demi-seconde d'ouverture rituelle. Très lente. Soleil brûle, mais Rider's Keel reste froid. Les dunes écoutent. Elles attendent. J'avance le dos plié sous l'écho. Chaque dune un secret, chaque pas un mot. Mon souffle dessine des cartes et mon silence parle pour moi. Je ne suis pas venu chercher la guerre. Je suis venu comprendre la poussière. Quand le ciel se plie sous la tente, je marche et le jeu se réinvente. J'ai traversé mille sables, mais jamais de pareil. Le vent change, les basses tremblent, mais ma voix reste sans sommeil. Rider's Keel non gravé dans la roche. Même quand tout s'efface, il approche. Pas besoin de crier pour dominer, il suffit de rester et d'écouter. Comme des textes anciens, chaque pixel, un vestige humain, il craft, il mine, il construit. Pendant que d'autres fuient, les créatures rôdent dans l'ombre, mais je suis déjà passé dans leur monde. Rider's Keel, forgeur d'univers, tisse son empire à travers vos nerfs. Le stream devient oracle, la chaîne un rituel nocturne, et chaque viewer, sans le savoir, devient gardien d'un désert futur. Rider's Keel ne part jamais vraiment. Il est là, chaque fois que vous allumez la lumière. Et les dunes s'en souviennent.